Lettre K, Cajou de Colonne, Jésus de Nyon, ce mystère le Valova. Ça c'est le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Papi Kake, Vote Singa Double XL, Chris Chabani Nunda. Ese mweto na kanga motemai, Cajou de Colonne, komisanga ikizenge. Soki osimbi ngai nalingaka neti kuraye mokongo na ekoma dembo yo ngai natembelaka libumu na ye soki nalalelango bandoto pepe Cajou de Colonne Paolo de Souza ya Blandune de Souza pesengo etonakanga motema pesene ya pambe komisa ngai kizenge soki asimbi ngai nalingaka netini na ye mokongo na ekoma dembo yo ngai natembelaka libumu na ye soki nalalelango bandoto pepe Cajou de Colonne Shida Ibula Lolote Molisho esengo etondakanga motema ntango nabandaka kwasanti eposio ya plaisir lelo nakomi na ngai consterne mati nzobe mokonza basheri otelisinga miso neti moto amisana na ekolamba nakoni kajoloti nini lobi tozalaki oseka monamu osonje nini Et maître Hakim Kabongo, Kamba immeuble Kokase Kongolo. Et pas là, yokuna soki bolingo esilie. Yanga bolingo esanango nanu Cajou. Moyo Lorenzo. Si la testa lira tirne feye. Papa nangaye, nanuna yokate basilani. Yves Mumbata. Yanga na ye moto akokota kotikala na soni. Kwa memanga, ebala santima. Elengi lokola ndobo. Ambisi na kangeni. Dadi Mavungu Fungola tambo finu kuna yo kansunga na swa mwapeti Na degiste pla plefere plezir nange si e gonfle Evite nga na repa na kolia na ngati na tombo Na toka neti mota zolia na lokoso Rose ya Fede Di Benga Na toka neti mota zolia na lokoso ye Na toka neti mota zolia na lokoso Kam se mvwama, mvwama deja Kam se mvwama Mbayo sila Gérance plaisir nangeza la kanama boko no Cajou Yomoto lo baki mo sapi nangami sa tu ezali Ele bateri ya danso ya plaisir ya mon abiso Osala ki gardie opo mwani lelo Merci Nayamu nene Prefis le Camerounais célèbre Papi kakia zonga mukete Ya flora miyokone Nayamu nene Papi kakia zonga mukete Cajou o disparaît très na fina ngai Kokot mangung na salinyo songa na zobikate Est-ce que na katia prison gana kozwa kerison na meliba kisia boko ko ya lenge na ndenge solution ikelepe osa manga mupesu ata sa mungwa na kolayo osa lika ya ba mutsambu ata na beka ina kolayo ata ba idiote Chabani Record Ata bandongo liyote Christian Osakwetu Ata bandongo liyote Do Ebonda Maître Shura Olivier Madiata Kajoué Thierry Nkieri Papie Masita Liba koboli mwana betangi bien Kala mala nanga leloyo Nako molu kanze la love Machuda Nako myosanga naba plaisir Na komyo lukanze la love Jean Kabongo, Dieu merci Mokani Oso kisinga kuno tsenga manzako Katinga formo tikinga bolumbo Kangibisa kozonge paina bino Shero poinga lelanga nzoke Zalaka wetalanga na beli kwa kare mamae Ah papa, naebi kubalanga na mbongo Bafami bamira masama Mendenge nino kuma kozonga lokola taba le 22 décembre Oye basa elake projet balia ile 25 Ce qui le 25 était le 31 au legaté Nazalara yayo Kalate de pofote nange bongo mi souci Po prometa kinga dans la nuit chérie na kolia fouwi E komili susu pour na lia fouwi Fonga na souffrir na mono c'est pas juste Ba songi songi babo mi love Ta la souse komi osakana na ba désir na ngai Na zangi li susu mwaye ya ko saisir de colonne Ba bon souvenir et pas nangue, ça la qui nourriture de colonne Willy Mouchen Cajou Christiane Akwasa Polé Polé Char Sala, loko la nazini ne balé Loboko na bimise na sauve le lanto Mbungu, yako sauve mamse kuchu Ginoel Ngoya ya maile C'est vrai, na kanga miawa Na forteresse ya pas solitude yako libéré nga kajou de colonne Freddy Bokula kamitera kingé l'amour lokola kita bokonzi esenga kamo komi balé mais ça toté mitano té elingi kaka moto moko pichunzita Hermène Kaba Diane Via Domazé esengo na kosala nango na yepité la duchesse Dadi di Kamba Tambi Rouge Joe Malanga Peter Kokobi Samir plein de Saint-Denis Je rasse plaisir nange salakana maboko no kajou Yo moto loba ki mosa pina nga misa tuezali Elle est batterie attention ya plaisir ya mon abiso Ozala ki gardien pour moi ni lelo Merci na ya munene Yabo Nazonga mukete Ani bobo Chéri yo disparaître na vina ngai Nzombo Faustine Na salinyo songa na zobi kate La reine Aminata Eske na katia prison nga na kozwa guérison Malou bombo Na meliba kisi ya boko koya lenge na nenge solution ikeleve Oza manga mupesu Alembi Atasa mungwa na koliayo Oza likaya ba mutambu Atanabe kaini ya koliayo Ataba ikiyote Kovo masola mignon Ataba dongoli yote Fabrice Mola Odongola ka bien Odongola ka ko Tchweke Esala nga mwa jiki jiki Anthony Chiyombo Tchweke Sile Yamate Aigle Jaune Bona Lema Junior Mwanda General Davira ya Mama Christine Peggy Kombo Natambola kikinza sa maluku masina Koluka nzela ninyo kuyai Masamba Roki da Silva Namata kipensi tilokola Sashi pona luka nzela ninyo kuyai Yebisanga talilu kula lepa nangu Sengo na kozala nango na yebiti Melina kenza Sengo na kozala nango na yebiti Les Madrid International Nengo kola lela ngana putwa lilu Suke moto petele manga tana mtu alelo Francis Bozo Yaka na sopela yo mai Na longo la yo kindo Yako vandela kiti kwala Aminata